On accueille Rick Mialou du CRE de Penetang. Salut Rick. Oui, bonjour Jean-Philippe. Oh, je vais monter. Oui, oh. Hein, ça fait deux, trois fois que je l'oublie. Là, hein. Ça n'arrive pas souvent que j'ai des invités. Là. Sérieux? Aujourd'hui, tu as décidé de nous parler d'insécurité financière. Oui. Parce que c'est rare hein, qu'avec des gens avec qui on travaille, on dit « ouais ». Moi, dans mon compte de banque, je viens de recevoir ma paye, puis il me reste... on est jeudi, puis vendredi matin, il me reste 5 piastres pour faire encore une semaine ou deux. On va pas se vanter de ça. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est un problème que, au fait, beaucoup de personnes, quand même, font face. Quand on parle même de... au fait, budgéter, au fait... sais-tu que la majorité des personnes, ben, au fait, avant que l'argent rentre dans le compte, ben, cet argent est déjà parti, là, d'une certaine manière, là? Ben, on dit déjà que les ménages canadiens sont endettés de 170%. Il doit y avoir de l'argent qui manque à quelque part. Dans quelques comptes. Là. Exactement. Donc, tout ce qu'on s'engage, que ce soit avec des prêts hypothécaires, les prêts personnels, les prêts d'auto, les prêts par-ci, par-là, je veux dire, c'est à un moment donné, il n'y a plus de place à faire des choses qui sont très importantes, là, justement. Est-ce que les gens oublient d'épargner parce qu'ils veulent avoir tout de suite le bateau, la maison, la voiture, le voyage, le chalet, alléluia. Mm-hmm, c'est fort probable. Regarde la société dans laquelle ou la génération dans laquelle on est aujourd'hui. On veut avoir des choses très vite et on veut avoir des choses. Et la majorité des choses qu'on veut avoir, en fait, ça coûte cher quand on parle de téléphone. Il n'y a plus de téléphone qui coûte vraiment 100$. Là. Un téléphone qui coûte 100$, c'est au moins un téléphone qui n'en vaut vraiment pas la peine. Ouais, il faut le dire. C'est ça. Alors que comparé à cela quelques années dans le passé, à un téléphone à 100$, c'était un téléphone qui en valait la peine. Donc aujourd'hui, les téléphones, là, ça coûte 1000$, ça coûte 800$, ça coûte 700$. Mais ce que je remarque aussi, moi, je me rappelle à l'école. Bon, on va retourner à la fin des années 90. Okay. On nous enseignait pas à épargner. Là. Ils ne montraient pas comment faire un budget. Dommage. Aussi... Dépense pas ce que t'as pas. Nos parents, moi, je le sais, là, ma mère, là, ouais. Elle me revient souvent à dire achète pas qu'est-ce que t'es pas capable de t'acheter. Économise. Exactement. Elle, disons qu'elle fait sur le marteau. Là. Oui. Elle a appris de sa mère, de son arrière-grand-mère. Puis oui, c'est une bonne chose. Oui, il dépense oui. pas pour rien. Non, exact. Mais des fois, la majorité, peut-être même 99% des gens sont très endettés. Deux cartes de crédit sont sur le bord d'aller voir un conseiller là, en redressement. Exactement. Je veux dire, c'est dommage. On n'a pas justement beaucoup d'informations ou beaucoup d'enseignements sur les finances, sur comment fonctionnent les finances, comment vraiment gérer ça comme il faut. Sans porter un jugement, mais même les banques, des fois, effectivement, les conseillers qu'on peut avoir, des fois, les conseils qu'on a ne sont pas forcément adaptés à la situation de la personne. Donc, des fois, on se retrouve au fait dans un monde là où on n'a juste pas d'informations, on ne sait pas quoi faire. Alors, quand on ne sait pas quoi faire avec ce qu'on a, évidemment, on se perd totalement. Parce que les banques ne sont pas là pour être nos amis. Hein. On veut s'acheter quelque chose. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent sur les intérêts qu'on prête. Alors, c'est pas grave si tu n'es pas capable de payer. On va te prêter, puis dans le pire des cas, ben, on va venir le rechercher. Ah oui, ben, j'en ai une longue opinion dessus. Là. Ça, tu peux me croire. Quelles sont les solutions qu'on peut amener là-dedans? Ben, au fait, avant de parler même de solutions, parlons du problème. C'est quoi l'insécurité financière? Oui, c'est vrai, parce que on en parle grosso modo, mais il y a plusieurs là, face à ça. Là. Exactement. Au fait, beaucoup de personnes aujourd'hui, justement, se retrouvent dans ce qu'on appelle l'insécurité financière. D'une certaine manière, c'est en d'autres mots, ne juste pas avoir assez d'argent pour manger. Ça, c'est une réalité qui touche le comté de Simcoe, ou bien même d'autres comtés, mais dans notre comté à nous, c'est une réalité qui est présente. Ne pas avoir assez d'argent pour manger, ne pas avoir des moyens nécessaires pour manger. Parce que on le voit là, à toutes les années, il y a une inflation, le prix du gaz monte, le prix des aliments. Là, on le voit là, avec aussi là, la guerre commerciale, là, je viens d'en parler, là, qui va augmenter des produits de 10%. Tout à fait. Ce qui arrive, c'est que les employeurs ne vont pas augmenter notre salaire en condition de l'augmentation des prix. Là. On va rester au même salaire et exactement. Là, on se retrouve avec moins d'argent et plus de dépenses. C'est exactement. Là qu'il y a un débalancement. Il y a un gros débalancement, effectivement. Et surtout, les choses qui augmentent, c'est des fois des choses qui sont nécessaires. Comme la viande, justement, c'est nécessaire. Je veux dire, c'est important. Trouver les fibres qui sont dans la viande et tout ce qui va avec. Oui, bien sûr, il y a d'autres solutions pour remplacer ces aliments, mais quand même, il faut se l'avouer, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, ça augmente justement à chaque fois, mais le problème, comme tu le dis, c'est que nos paies n'augmentent pas en fonction du marché alimentaire à l'extérieur. Donc, c'est très compliqué. Rendez-vous compte que 70 000 personnes dans le comté de Simcoe, présentement, sont touchées par ce problème d'insécurité financière. Puis on disait même jusqu'à 12 % dans le comté. Là. Oui, oui. Alors, si on regarde ça, si on est une entreprise de 100 personnes, oui. Eh bien, il y a au moins une personne sur 10 qui est touchée par ce problème-là là, de quasiment. Sécurité financière. Quasiment. Je veux dire, c'est un gros nombre. Là. C'est beaucoup de gens. C'est beaucoup de personnes. Dans le meilleur des mondes, déjà, mais une personne, c'est déjà trop. Une personne avoir un défi d'insécurité financière, c'est déjà trop. Là. Quand on parle de 70 000 personnes, c'est encore pire. On parle de au moins 3 villes ensemble. On parle de 3 villes. Donc, c'est quasiment, c'est pas forcément ces villes-là, mais c'est la population de Tay, de Tani, de Peleteng, toutes mises ensemble. Puis on parle, si on dit qu'une personne sur 10 dans l'entreprise de 100, c'est une personne, mais ça touche aussi le chum, la blonde, les enfants. Exactement. Alors, ça touche plus que seulement une personne sur 10. Et moi, ce qui m'attriste là-dedans, c'est souvent les enfants qui partent à l'école sans avoir mangé. Oui. Et ça les aide pas là, pour leur concentration à l'école. Exactement. Une chance qu'au Canada, on a le club des petits déjeuners. Mmh. Alors, pour certains enfants dans les écoles, on peut leur donner un déjeuner. Ça va les aider aussi là, pour l'apprentissage à l'école. Exactement. Là, pour les adultes, oui. Est-ce qu'il faudrait faire un club des grands déjeuners? Ben, ça serait une bonne idée. Ça pourrait être une bonne idée. Je pense qu'une des choses qui est beaucoup connue, ce sont les banques alimentaires. Là où, effectivement, des gens, ils ont peut-être l'occasion de trouver ce dont ils ont besoin. Au fait, oui, les banques alimentaires sont là, c'est ce qui est reconnu, mais effectivement, un club de déjeuner pour adultes, pourquoi pas? Ça pourrait être une très bonne idée, oui. Est-ce que les banques alimentaires ont tant d'impact qu'on pense? Non. Effectivement, l'étude démontre que les banques alimentaires n'ont pas du tout l'impact qu'on pense. Au fait, c'est sûr, ça veut simplement dire 1 sur 4 des personnes qui sont frappées par l'insécurité financière, ils vont chercher de l'aide dans les banques alimentaires. Donc, 1 sur 4. C'est 25 % Exactement. C'est une personne sur ces 4 qui décide, je vais aller chercher de l'aide. Donc, les 3 autres, ils y vont juste pas parce qu'ils pensent et ils savent, au fait, ils s'attendent à ce que qu'ils aient pas du tout ce dont ils ont besoin. Mais des fois aussi, c'est parce qu'on a honte de se présenter. On veut pas que les gens sachent qu'on a besoin d'une banque alimentaire. Là. Moi, je trouve que si ça m'arrivait, oui. Je serais peut-être dans cette gang-là. Là. Oui. J'irais pas simplement par fierté. Oui, effectivement. C'est un peu comme certaines personnes qui ont de la difficulté à aller dans un centre d'emploi, un centre de ressources d'emploi comme nous autres. Certaines personnes se limitent au fait pour venir vers nous parce qu'ils ont de la difficulté à trouver un emploi et ils ont peur de se faire juger ou quoi que ce soit. Les gens vont remarquer qu'ils traversent cette situation ou quoi que ce soit. Mais écoutez, tout le monde est des fois touché par une chose. Donc, c'est pas parce que mon problème est différent du tien que automatiquement je te jugerai par rapport à cela, right? Ah, c'est certain, mais on dirait quand quelqu'un va nous mentionner ça, on a toujours une perspective négative et c'est dommage. Oui. Et c'est dommage, exactement. Dans la société qu'on est, c'est dommage parce que c'est pas tout le monde forcément qui réussit, mais à partir du moment qu'il y en a d'autres qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas, ben, il faudrait être capable de comprendre que oui, il y en a qui ont eu de la difficulté et qu'il faudrait juste les aider. Des fois, on voit même des gens qui ont des beaux salaires, des gros salaires, exactement. Une grosse maison. Tout à fait. Ils ont trop de dettes, ils ont besoin d'aller à une banque alimentaire. Moi, j'ai même vu là, un ami, là, une connaissance avec qui je travaillais. Il avait la grosse maison, la maison, Je rentre dans le portique. Qu'est-ce qu'il y avait dans la cuisine? C'était pas une belle grande table. Ah non. C'était une table de patio en plastique avec des chaises en plastique qui était même pas capable de se payer un ensemble de salle à manger. C'est grave rendu là. C'est très grave, effectivement. C'est un très grand problème qu'on est rendu là. Ça, c'est vraiment... c'est quoi le problème qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un problème de budget. On a dépensé au-delà de ce qu'on pouvait se permettre. On s'est permis des choses qu'automatiquement, on n'est plus capable de payer, de rembourser. Peut-être qu'on les a perdues. Parce que oui, on s'est les payées, mais finalement, la banque est venue reprendre ou quoi que ce soit. Mais des fois, on a de la difficulté à se faire un budget. Oui. Là, on dit, c'est trop difficile. Oui. Le budget, là, on chiffonne le papier, on met ça aux poubelles. Exactement. On va s'arranger comme on pourra. Puis c'est là que le problème survient souvent. Oui, c'est là que le problème survient, effectivement. Je passe l'information, si vous avez moins de 30 ans, le programme Transition au travail est un très bon programme lorsque dans le programme, on parle même de budget. On parle de budget, on aide les gens à budgéter. Si vous voulez vous rendre à un certain objectif, on vous prend de là où vous êtes pour vous emmener à cet objectif et on vous démontre un peu c'est quoi les étapes à suivre au fait pour arriver là. Donc ça, c'est le programme Transition au travail, c'est un des bons programmes qui aide nos jeunes d'aujourd'hui, au fait, à ne pas se retrouver sur le marché du travail ou à l'extérieur sans avoir des outils nécessaires. Parce que je connais des gens autour de moi qui ont un travail qu'ils aiment, ils ont un salaire correct. Tout à fait. On dira pas qu'ils gagnent 100 000, mais il dit, moi, j'ai eu une offre de travail que je pourrais gagner approximativement 80 000 $. Wow, OK. J'aime ma job, mais là, je suis obligé de me faire un budget, de tout calculer. J'aime pas ça. Je vais peut-être laisser l'emploi que j'ai là pour peut-être un emploi que je vais peut-être un peu moins aimer, mais avoir le salaire et pas avoir à faire des budgets. Tout le monde a le droit de prendre leur choix. Effectivement, nous avons ça, c'est l'être humain. L'être humain a ce qu'on appelle le free will. Donc, on décide de suivre le chemin qu'on veut, mais il faut suivre la logique. Là. Normalement, il faut arriver à un niveau là où il faut être consciencieux. Il faut comprendre que là, j'ai un défi. Il faut comprendre que je ne peux pas me permettre certaines choses. Il faut le budgéter. Parce que non seulement c'est pour nous, pour pouvoir savoir quoi faire avec notre argent, mais c'est aussi pour les générations qui viennent après. D'une certaine manière, on a une personne qui peut-être passer cette information aussi à son fils ou sa fille qui va le passer aux générations qui viennent après, de sorte que tout le monde ait cette information qu'il faut savoir comment faire le budget. Il faut commencer quelque part. Si on s'éduque tout ensemble, comme tu dis, on le passe à l'autre et c'est là qu'on devient responsable. Exactement. Avec l'argent qu'on gagne. Exactement. À Midland, Rick, je regardais des statistiques. Oui. Près de 20% de la population sont considérés comme faibles à revenus. Exactement. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de gens. C'est-tu parce qu'il n'y a pas d'emploi bien rémunéré dans le comté de Midland? Exactement. C'est exactement ça. Tu as tout dit. Au fait, c'est juste le fait qu'il n'y ait pas d'emploi bien rémunéré. Malgré le fait que nous sommes le salaire minimum a passé à 14 $ et qu'il va passer à 15 $ d'ici janvier 2019, mais là encore, on parle du salaire minimum. C'est le minimum qu'un employeur peut se permettre de payer à quelqu'un. C'est le minimum qu'ils peuvent dire, OK, voici ce qu'on vous donne. Ben, ça, c'est probablement parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'en donner un peu plus. Et on sait à quel point beaucoup d'employeurs l'ont manifesté, qu'ils n'étaient pas contents par rapport à cette nouvelle d'augmenter le salaire minimum. Mais malgré cela, encore, comme tu viens de le dire, près de 20% à Midland seulement sont considérés comme des personnes, des familles à faible revenu. Parce que j'avais lu pour être confortable, avoir pas une vie de pacha, là, de rester dans un château, mais correct. Là, vivre entre 20 et 25 $ de l'heure qu'on devrait gagner. À 15, on est loin de ça. On est très loin de ça. C'est un 10 $ de différence qui peut venir faire un grand changement là, sur la semaine, au fait. Parce que quelqu'un qui ce 10 $ de plus, et on parle de 400 $ de plus dans la semaine si vous travaillez 40 heures. Donc ça, automatiquement, des grandes portes viennent de s'ouvrir là. là, on vient d'attaquer automatiquement le problème sur l'insécurité financière. Alors, c'est quoi les solutions dans ce temps-là là, pour la population? Des meilleurs jobs avec des meilleurs avantages? Ben, effectivement, c'est clair. Il faut avoir de meilleurs avantages sociaux, avoir de meilleurs jobs, effectivement. Beaucoup d'employeurs, ils engagent au fait des employés juste pour leur donner des heures, des fois à temps partiel. Je veux dire, il va avoir une entreprise qui va engager 100 personnes, mais qui va donner à ces 100 personnes 20 heures par semaine au salaire minimum, par exemple, au lieu d'engager 50 personnes à qui il donnerait du temps plein. Donc là, c'est pour éviter qu'ils aient des avantages sociaux et tout ce qui va avec. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut se dire aussi que c'est une bonne option de retourner aux études pour avoir un meilleur job et un meilleur salaire? C'est une des options, oui. Retourner aux études, effectivement, finir son diplôme, aller chercher un diplôme qui va vous permettre d'avoir un meilleur job. Ça, c'est une des voies qui est conseillée, effectivement. On a parlé un peu de l'expérience professionnelle, l'expérience de travail. On a parlé du centre d'emploi. Effectivement, nous autres aussi, le centre d'emploi, nous sommes capables de pouvoir aider la population, en fait, les chercheurs d'emploi à trouver des solutions. Vous avez 20 heures par semaine ça ne vous plaît pas, vous aimeriez en avoir un peu plus. Effectivement, il y a quand même d'autres employeurs qui engagent à temps plein avec de meilleurs avantages sociaux, avec une meilleure paye. Donc, évidemment, nous avons ces solutions-là si vous venez nous voir. Parce que des fois, on aime notre travail, on est payé au salaire minimum, on veut avoir un peu plus d'argent. Là, on prend un travail à temps partiel. Oui. Ce qui arrive, bon, on va avoir un petit peu plus d'argent, mais notre qualité de vie va être diminuée. Des fois, il y a des gens qui ne veulent pas avoir ça. Tout à fait. Tout à fait. Alors, dans ce temps-là, bon, les études, comme on disait, aussi le centre de recherche d'emploi. Exactement. Je veux dire, le but, c'est vraiment de trouver une solution à cela. Comment est-ce qu'on fait pour attaquer ce problème? Donc, effectivement, quand on a les fonds nécessaires pour pouvoir en faire un peu plus, évidemment, automatiquement, comme je disais, les portes s'ouvrent. Donc, nous voulons s'assurer que toutes les familles ne sont pas justement affectées par ce genre de problème. On veut être capable de pouvoir vous aider. Donc, donnez-nous une chance. Venez nous voir au centre d'emploi pour que nous puissions trouver d'autres solutions pour vous. Alors, pour les gens, si vous n'avez pas de budget, commencez à faire un budget. N'ayez pas peur de demander de l'aide aux banques alimentaires, aux organismes comme le centre d'emploi. Rick est là, il y a d'autres gens aussi. Exactement, j'ai une belle équipe, oui. On peut aller sur laclé.ca, exactement, aussi sur la 2 rue Pointe, ici à Penetang. Exactement. Alors, tout est là. Vous appelez Rick, vous lui envoyez un courriel. Ils vont vous aider, ils vont vous donner l'information ou ils vont vous diriger là, vers les personnes ressources. Là, tout à fait. Pour vous donner un coup de pouce. Exactement. Quand vous entrez dans un centre de ressources d'emploi comme la clé de l'emploi, vous avez l'opportunité de pouvoir travailler ou au fait d'avoir plusieurs différentes ressources. Nous ne sommes pas juste limités à l'emploi. Nous pouvons faire un peu plus. Nous pouvons vous aider à trouver d'autres solutions. Donc des fois, il y en a qui sont limités. Ils ne voient pas l'avenir. Ils ne voient pas qu'ils peuvent s'en sortir. Donc venez nous voir. Nous sommes capables d'avoir une discussion avec vous, une conversation confidentielle avec vous, et nous sommes capables de pouvoir attaquer le problème pour pouvoir vous aider à vous en sortir. Et non seulement vous, à votre famille aussi après, oui. Rick Mielou, du Centre de recherche d'emploi. On aurait pu en parler encore des heures et des heures, mais le temps file. Je te souhaite un bon jeudi et on se reparle la semaine prochaine. Ben, je te remercie. Merci Jean-Philippe. Salut.